La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Franchement ! C'est à moi. Je suis Marraine la bonne fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeuristes, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Oh yeah ! Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une merveilleuse personne. Et pas n'importe quelle merveilleuse personne, puisqu'elle a cette qualité inconditionnelle, celle de m'avoir mise au monde. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Katoche. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alors pour l'occasion, j'aurais pu faire une chronique sur les films préférés de Katoche. Oui, mais voilà, Katoche est un être très éclectique, aux goûts multiples et variés, pour qui il est impossible d'élire une poignée d'œuvres favorites. En revanche, Katoche a un site internet préféré, c'est arte.tv. Et en ce moment, sur arte.tv, il n'y a que des films formidables, dont trois vraiment formidables, que je vais tout de suite vous forcer à aller regarder. Et non, je vous jure, je n'ai pas de partenariat avec la chaîne franco-allemande, je ne suis hélas qu'une simple bénévole de Radio Boncon, mais bon, c'est gratuit, c'est confinement, alors tabarnak, profitons-en. Alors en numéro 1, je vous recommande chaudement La Lune de Jupiter de Kornél Mundruczó. Kornél, c'est un cinéaste, acteur et metteur en scène hongrois à qui l'on doit le fascinant film White God, sorti en 2014, que je vous recommande tout aussi chaudement. Pour vous faire un petit résumé, White God raconte l'histoire de Lily, une ado proche de son chien, qui va devoir passer 3 mois chez son papa, sauf que son papa n'aime pas trop les chiens. En plus, dans ce Budapest-là, il y a une loi qui interdit d'avoir des chiens bâtards, sinon tu payes une taxe. Du coup, je vous le donne en 1000, le papa, il veut se débarrasser du chien, sauf que s'en suivent moult péripéties, et croyez-moi, ça n'a rien d'un conte Disney. Oh yeah ! Mais revenons à La Lune de Jupiter, sortie en 2017. Pas rien à voir, si ce n'est qu'on retrouve de la part du réalisateur l'utilisation de l'étrange et du fantastique pour délivrer un point de vue critique sur la société. Le film dresse le portrait d'un jeune migrant syrien qui se fait tirer dessus en traversant la frontière hongroise, sauf que la balle le dote d'un inexplicable pouvoir de lévitation. Le jeune homme va par la suite croiser la route d'un docteur un peu louche. Opposant ou adjuvant ? L'histoire vous le dira. En tout cas, on y croit, et les films de Mundruczó ont cette tendance à traiter de sujets graves avec justesse et originalité. Et on me signale dans l'oreillette que son dernier film, Pieces of Woman, a été projeté à la Mostra de Venise, que dedans, il y a Shia LaBeouf, et qu'il est dispo sur Netflix. En numéro 2, on quitte la Hongrie parallèle pour la Pologne de 1949. Et pourquoi ai-je pris la voix d'une journaliste de France 2 pour continuer cette chronique ? Les auditeurs n'ont plus qu'à méditer. Reprenons donc avec Cold War de Pavel Pavlikovski. On est en 4 tiers et en noir et blanc, les plans sont beaux à chaque moment. Cold War, c'est une histoire d'amour condensée sur 10 ans entre Victor, pianiste et chef d'orchestre, et Zula, jeune chanteuse aux traits hypnotisants. Les deux amants vont se fuir et se suivre à travers l'Europe comme un ballet d'ombre et de lumière, une danse qui s'installe un moment à Paris dans des effluves voluptueuses, vaporeuses de jazz. L'actrice Johanna Kulig pousse quelques notes en français. Une ambiance lounge. L'orage pouvait bien éclater à nos yeux. Nous étions brûlants et pressés, amoureux. Le pendule a tué le temps qui de nous retiendra à l'instant des amants. Tout ce que l'on s'était promis, amoureux. Nos querelles couvraient la musique, où l'on s'évolait la réplique. Nos larmes nous avaient trahis peu à peu. Pour finir, notre voyage s'arrête en Italie avec « Heureux comme Lazzaro » d'Alice Rohrwacher, réalisé en 2018. Un film majestueux qui nous emmène dans un hameau paysan à l'écart du monde où Lazzaro, jeune innocent au visage angélique, est prêt à rendre service à n'importe qui, n'importe quand. Est-ce qu'il est heureux parce qu'il est trop naïf ? Tout comme dans son précédent film « Les Merveilles », la réalisatrice nous livre ici un conte moderne, plein de poésie et de fantaisie, où le héros est un doux rêveur, proche de la nature, propulsé dans la brutalité du monde. Les injustices sociales sont bien existantes, et Lazzaro aussi, à la fois fantôme, ange et loup protecteur. Ça fait tout chaud dans le cocoro. Oh yeah ! Trois films européens donc bien différents, mais chacun très charmant. Je vous laisse avec la musique de Lazzaro qui vous a donné envie de faire la teuf en début de chronique. Le temps que vous regardiez ces films, je vous dis à bientôt pour une autre chronique cinéma. Alors bon vent et je t'aime maman. La chronique cinéma. C'est pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu veux dire complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je te parle de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Ah, franchement ! Voilà.